إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture et l'explication du livre Les trois principes de base de Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Nous en sommes arrivés à la partie où il dit: sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, la croyance droite et juste d'Ibrahim alayhi salam, consiste à adorer Allah le seul, l'unique, en lui vouant exclusivement le culte. L'auteur, rahimahullah, nous enseigne ici et il invoque pour nous. Ceci est un signe de sa douceur et de sa bonté envers ses élèves. Et c'est comme ceci que doit être tout enseignant. L'objectif de son enseignement, c'est de transmettre, de vouloir le bien pour ses élèves, espérer leur guider et leur bien. Alors il nous enseigne, il dit « Al-Hanifiyya ». C'est la religion de Ibrahim, le prophète Ibrahim, qui consiste à adorer Allah en lui vouant le culte exclusivement. C'est ce dont Allah tabarak wa ta'ala a parlé lorsqu'il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Puis nous t'avons révélé: suis la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah, Hanif. Ainsi, Al-Hanifiyya est le dogme qui consiste à vouer le culte sincère et exclusif à Allah et à le prendre, subhanahu wa ta'ala, comme allié et à se garder de lui associer quoi que ce soit. Ainsi, une personne qualifiée de Hanif est un bon musulman fervent qui s'en remet à Allah seul et délaisse tout autre que lui. Il voue à Allah tabarak wa ta'ala l'adoration exclusive, comme l'était le prophète Ibrahim alayhi salam et ses disciples, de même que tous les autres prophètes, leurs compagnons et leurs adeptes. Puis le cheikh rahimahullah dit: c'est ce qu'il a prescrit à tous les êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle il les a créés, comme il a dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et la signification pour qu'ils m'adorent dans le verset est: pour qu'ils me vouent le culte exclusif. On voit donc ici qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a prescrit le monothéisme pur, la sincérité. Il les a créés à cet effet. Ainsi, il leur a ordonné de l'adorer exclusivement lorsqu'ils prient, lorsqu'ils jeûnent, lorsqu'ils invoquent, lorsqu'ils craignent Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'ils désirent, lorsqu'ils sacrifient une bête, lorsqu'ils font un vœu, etc. Tout cela revient à Allah seul, comme Allah tabarak wa ta'ala a dit: فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. et ton Seigneur en a décrété ainsi. N'adorez que lui. Et comme il a dit, Subhan, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Il a dit, Ya Yuhanna Sorbudu Rabbakum. Oh, vous les hommes, adorez votre Seigneur. C'est seulement pour cette adoration qu'Allah a créé les djinns et les humains. Et il a dit, j'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire, pour qu'ils ne consacrent cette adoration qu'à moi, en appliquant mes ordres et en délaissant mes idées. Puis, le Cheikh Rahimahullah dit, la chose majeure qu'Allah a ordonnée est l'unicité, qui consiste à ne dédier l'adoration qu'à Allah seul. Ce monothéisme, il consiste à dédier toute ton adoration à Allah seul. Par conséquent, il est strictement défendu d'adorer une statue, un prophète, un ange, un djinn, une pierre, des astres, un sorcier, ou n'importe quelle créature. Puis le cheikh dit, et la chose majeure qu'Allah a interdite est le polythéisme, qui consiste à adorer d'autres divinités que lui. La preuve à ce sujet est sa parole subhana, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui associez rien. Le polythéisme, c'est le fait d'adorer Allah et d'adorer en même temps qu'on adore Allah autre qu'Allah. Allah a décrit les mauvaises conséquences de cet acte par sa parole. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mais s'ils avaient donné des associés à Allah, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Et dans sa parole, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras certainement du nombre des perdants. Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, rapportent dans leur recueil respectif qu'on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le pire des péchés? C'est à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est le fait de donner à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. On lui dit ensuite, il dit, le fait de tuer ton enfant de peur qu'il n'ait pas à partager ta nourriture. On lui dit, et ensuite, il dit, de commettre l'adultère avec la femme de ton voisin. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence le fait que le polythéisme est le pire des péchés, le plus grave et le plus dangereux. Dans un autre hadith, il a dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, voulez-vous que je vous informe du plus grave des péchés? Nous dit bien sûr au messager d'Allah, il dit, de donner un associé à Allah. On voit alors que le polythéisme est le fait d'adorer Allah en même temps qu'Allah adorer aussi autre qu'Allah, en l'invoquant, en le désirant, en ressentant de la peur pour lui, en sacrifiant une bête pour lui, en lui vouant un vœu pieux, etc. Tout ceci constitue du polythéisme majeur. Peu importe la nature de la chose associée à Allah, qu'elle soit un prophète, un djinn, un arbre, un ange, un astre, une pierre ou tout autre être. Dans la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, adorer Allah et ne lui associer rien, le terme rien englobe tout autre qu'Allah sans exception. C'est pour cela que l'on peut constater qu'Allah tabarak wa ta'ala a révélé de nombreux versets dans lesquels il ordonne l'unicité et il interdit le polythéisme. Puis le cheikh dit dans son épître, ainsi, si on te demande quels sont les trois principes fondamentaux que toute personne doit connaître, Réponds, le serviteur doit connaître son Seigneur, sa religion et son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà que après avoir fait cette série d'introductions, le cheikh entre dans le vif du sujet, dans ce pourquoi il a écrit cette épître, qui est le fait de parler de ces trois principes fondamentaux. Ces trois principes fondamentaux qui sont les trois questions que les anges vont nous poser à tous dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? C'est-à-dire, qui est ton prophète? D'où l'importance de connaître la réponse à ces trois questions. Car la personne qui n'en connaît pas correctement la réponse, il va dire, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je disais comme les gens disaient. Je répétais comme les gens répétaient. Alors les anges vont le frapper. Et ils n'accepteront pas de lui cette réponse. De ce hadith, les savants ont nous déduit qu'il est interdit dans le sujet de la croyance de croire en quelque chose ou de suivre sans preuve. Car cette personne qui a dit « je disais comme les gens disaient », c'est-à-dire « j'ai suivi », cet argument ne lui sera pas utile. Il est donc obligatoire à toute personne, jeune ou âgée, à partir du moment où il a atteint l'âge de raison, ou bien la puberté plutôt, c'est-à-dire où il est responsable de ses actes. Qu'il soit jeune ou âgé, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit d'une classe sociale élevée ou basse, qu'il soit lettré ou illettré, qu'il soit des villes ou des campagnes, qu'il soit arabe ou non arabe, tout musulman doit obligatoirement connaître les sujets de la croyance avec les preuves. Sinon, ceci n'est pas accepté de nous. Quand on dit cela, beaucoup vont se dire, mais il y a beaucoup de gens illettrés, comment ils vont connaître, mémoriser les preuves? Alors prêtez attention, nous n'avons pas dit, il est obligatoire à chaque musulman de mémoriser les preuves. Nous n'avons pas dit cela. Les savants ne disent pas qu'il est obligatoire à chaque musulman de mémoriser les preuves. Mais ils disent plutôt qu'il est obligatoire à chaque musulman de croire au sujet de la croyance, dans les points de la croyance, en connaissant les preuves. Il y a une différence dans le fait de dire en connaissant les preuves et mémoriser les preuves. Quelle est la différence? La différence est quand on dit en connaissant les preuves, c'est-à-dire au moment où il a accepté cette croyance, il a lu ou entendu la preuve citée du Coran ou de la Sunna. Alors il l'a accepté en toute connaissance, en toute conscience, en connaissance de cause. Et il a agréé cette croyance et il l'a acceptée après que la preuve lui ait été établie. Donc il a cru avec la preuve, même si plus tard il ne s'en rappelle pas, il a oublié la preuve, il ne l'a pas mémorisée, ce n'est pas grave. Il se souvient que c'est parce qu'on lui a énoncé un verset du Coran ou un hadith. Et s'il cherchait, il pourrait retrouver, oui, on m'a dit telle parole d'Allah Ta'ala qui prouve que je dois croire en cela. On m'a cité tel hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est obligatoire à tout musulman de connaître les sujets essentiels de la croyance avec les preuves. Et de ne rien croire concernant les choses de l'invisible et dans les sujets du dogme sans qu'une preuve du Coran ou de la Sunna ne lui soit établie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.